Bah, vous savez quoi, les amis? J'ai été faire les soldes! Ah, bah, voilà! J'ai été faire les soldes! Tout s'explique! Bah, oui, j'ai commencé à minuit! Alors, première halte, j'ai fait un stop chez un compatriote tyrolien. J'étais chez Paul Schmitt. Là, un type arrive, l'air coincé, me dit: bonjour, monsieur, bienvenue chez Paul Smith, je peux vous aider? Oui, pourquoi pas? Vous cherchez quelque chose de précis? Bon, non, juste une grosse envie de faire de bonnes affaires. Et comme c'est les soldes, me voilà! Parfait, alors nous avons cette chemise, tissée 100% poil de vierge, un confort inimitable qui adoucira la dureté bestiale de votre physique grâce à la noblesse de la matière. Ça fait pas un peu bédé? Et alors, y'a pas de mal? Bon, si vous le dites. Alors, c'est combien le chef-d'œuvre? Ça fait 600. Ah, vous comptez toujours en francs, vous? 600 euros, monsieur. Et... côté payé ou continuez à rire comme un yak? Ah, oh, ben je sais pas encore, moi. En attendant de prendre ma décision, je crois que je vais t'en mettre une. Et je vais coller une mordifle. Ah oui. Ah, il bougeait encore, alors je lui ai fait pipi dessus. Ah, il m'avait énervé le tarif. Et c'est quand je m'apprêtais à partir que je me suis aperçu que Zouzou, qui m'avait suivi le fourbe, était en train de le remettre sur pied, la petite tapette de chez Paul Schmitt. Mais enfin, qu'est-ce que tu fous, Zouzou? Allez, viens, on se casse, on va ailleurs. Mais tu es une brute barbare, son guinère, elle me regarde, le pauvre, tu lui as pété le nez, il l'a tout défiguré. Regarde, je te dis, on dirait Régine maintenant. Oh, mais arrête deux secondes avec ta collègue de la truffe. Non, restez, monsieur Zouzou, je me sens un peu faible, j'ai besoin de soutien. Mais ouais, mon petit colibri, je vais rester un petit peu. Ah, vous êtes gentil. Et je les ai laissés tous les deux. Ah, le Zouzou, il m'a rejoint plus tard chez moi pour me faire voir ce qu'il avait acheté. Une vingtaine de strings et des bottes en cuir de fennec. Mais il a pas fait que ça, le vieux homme noir. Il s'est assis devant moi, il m'a raconté. Alors le vendeur, il a encaissé l'argent, je lui ai pris le main, il l'a retiré, je l'ai reprise, il a fait sa poucelle de collège, alors j'ai... Ah, Joussière, c'est pas joli, joli, c'est pas très furbleur. Mais je colle ma bouche du sanglier, du désert à son oreille de lézard florentine, et j'ai chanté. Tata, yo, yo, wow, qu'est-ce qu'il y a sous ton gros chapeau? Évidemment, il a claqué, il a arraché son salopette en sky, et on m'a dit, vas-y, saloperie du Brésil, fourre-moi comme une vieille dinde, j'étais très vilaine, souille-moi comme une truie congolaise. Et on a fait l'amour pendant 7 minutes. J'ai pas que ça à foutre, moi. Alors là, il m'a mis sur le cul, Zouzou. Utilisez mes méthodes ultimes de séduction. Il n'est pas chier, le bouffeur de papaye. Bon, je vous laisse, je vais acheter des tongs en croco. Au revoir, Zen.